t'es loin de moi. Y'a pas un jour sans que je t'imagine. Séparé depuis 10 ans, ma vie sans toi, je la sens si fragile. J'ai dû partir en tout début d'adolescence en France. Trop de solitude pour cause de trop peu de connaissances. Tu es venu, t'es reparti pour manque d'argent. Souvent j'ai failli craquer, mais j'ai su résister, sûrement par chance. Loin de toi, j'ai peur, je pleure, je mets tout en cause. Depuis j'ai quelques potes inutiles, personne m'écoute quand je cause. 8000 km nous séparent, je sais pas, trop d'écart. Comment faire des gestes d'amour à ton écart? Chaque jour tu manques, j'attends ton appel téléphonique. Et puis de temps en temps je t'écris et de ma vie je te raconte mes chroniques. J'aime pas ici, j'ai froid, je veux repartir au soleil. Te retrouver, j'en ai marre de te voir seulement dans mon sommeil. Je fais en sorte de bosser en cours pour te satisfaire. Nostalgique quand je vois ton île en cours de géo sur un planisphère. J'aimerais te rejoindre, mais y'a pas les thunes, sois pas déçu, ça va. J'ai 2-3 vrais potes en sport-études. Ils me redonnent le moral quand ce bâtard s'enfuit. Quand je m'attarde dans le cafard avec les soucis qui s'ensuivent. Toujours ce même sentiment de solitude qui me colle. Donnerais tout pour être dans ce 747 qui quitte ce sol. Je rêve de cours au sol, de mon village d'enfance. Mais je dois me satisfaire de son mirage que j'aperçois dans France. Maman t'es loin et mon cœur sans cesse te réclame. Je me détruis intérieurement, j'ai le moral qui vole en éclats. Marre d'en être là et vivement c'était qu'on se voit. J'aimerais un aller simple car ma vie sans toi est dure à concevoir. L'école ça va mais les entraînements difficiles. Je rêve d'être footballeur pro, voilà ma seule raison de vivre ici. Passe le bonjour à mes potes et à Terre-Neuve. Dis-leur que j'ai hâte de les voir, que je leur amènerai peut-être des affaires neuves. Donner ma vie, c'est évident. Dans mon cœur depuis le 11 mai 83, ton nom est écrit dedans. Je reste droit pour que tu sois fier et pas déçu. Pour qu'à tes yeux, je reste vrai, je serais resté près de toi si j'avais su. J'ai du mal à m'adapter, les gens font trop de manège. Trop de manie, je t'ai pas dit pour la première fois, j'ai vu la neige. Bref, vous manquez tous, loin de vous, je souffre. Au bord du gouffre dur, je cours après le bonheur à bout de souffle. Je compte les jours, mais d'ici le temps paraît long. J'ai voulu faire le grand saut trop tôt, j'aurais dû prendre des pas d'élan. J'ai gardé toutes tes lettres, je les lis quand le doute s'élève. J'ai du mal à te dire je t'aime, pourtant je l'ai au bout des lèvres. J'ai tant besoin de toi, maman.